Nous sommes le 19 août 2016, il est 18h19, entre l'Echrène et Harit, à côté de la Syrie à Joly. Le temps est assez chaud, mais le ciel est voilé.